Le Mélomane, l'émission pour vous, les fous de la musique sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ-FM ou encore, comme toujours, en direct sur CFNJ.net. Mathieu Lajoie au micro en cette édition du 5 octobre 2016 de Mélomane. Première émission du mois d'octobre et après avoir été dans les ambiances feutrées des dernières semaines, spécial d'automne, spécial blues, un de mes variés préférés jusqu'à maintenant aussi, juste avant ça. D'ailleurs, n'oubliez pas, je ne le dis pas assez, s'il y a des trucs que vous avez manqués ou que vous voulez avoir des exclusivités, joignez-vous sans gêne au groupe Mélomane Facebook. Plus on rit, comme on dit, un groupe. Ou vous pouvez aussi interagir et publier ce que vous voulez, donc gênez-vous pas. Mais bref, pour revenir à nos moutons, après avoir été dans les ambiances plutôt feutrées dans les dernières semaines, je me suis dit que ça serait le temps d'un bon petit radio pirate où, vous le savez, on se permet de transgresser, les règles un peu et de se brasser la cabane. Et imaginez-vous donc qu'on est déjà rendu à la 7e édition du radio pirate et un 7e enfant, vous le savez, est toujours un peu spécial. Donc c'est ce qu'on écoute à l'instant, Mélomane Radio Pirate 7 au 99.1 CFNJ. We'll be right back. avec un flat. Faudrait que tu passes au stade. Ton histoire se résume en un trait noir de goudron de carbone. Tu laisses dans un nuage qui grimpe dans les airs le monde qui s'étonne de te voir toujours vivant au volant de ton corbillard. Pour se garrocher plein de face, le yaourt au corps, le couteau enclé dans les os de ta carcasse. Se feront un devoir de te le dire si t'embrasses le décor qui avait juste l'air d'un film dans ton windshield. C'est pas HD, c'est bien plus fort. Même les Chinois ne sont pas rendus là encore. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. I've seen the eyes upon us, and I don't think they want us together. I thought it through, and now it's coming for you, so shelter. All the lines that I've drawn and the women I embrace are all agreed upon with the man who owns the place. It's over. It is war. Can even leave between you and me this toothless terror. And it stares us in the face until we break our nose against the mirror. Well, I loved you for your madness, but now it has grown out of proportion through the cracks in your throne's sister. Number of eyes that are pointing at me are growing, and this fear takes the size my father before me was showing. We get tempted by the lies of the whores with their eyes of crystal. In which I can read the number of faces and the joys of the vista. My soul conceals a lot of corners, their secrets are yours. Whereas I've never dared to descend through the doors leading to yours. All the lies that I've drawn and the women I embrace are all agreed upon with the man who owns the place. It's over, over. Possession. Hindsight is always 20/20, but looking back, it's still a bit fuzzy. Speak of mutually assured destruction. Nice story. Again, you can subdue but never tame. It gives me a migraine headache, sinking down to your level. Yeah, just keep on thinking it's my fault and stay an inch or two out of kicking death. Mankind has got to know his limitations. And cross the board like walls are closing in. Blood stains on my hands and I don't know where. Well, me, it's nice talking to myself. A credit to dementia. Someday you too will know my pain and smile its black tooth grin. If the war inside my head won't take a day off, I'll be dead. My icy fingers claw your back. Here I come again. Hit me with the major, the damage. My clan understand it be flavor. Gunning, coming at ya. First I'm gonna get ya, once I got ya, I got ya. You can never capture the Method Man stature. For rhyming, for rapture. Got niggas resigning, now master my staff. Never, I put the fucking walk in the wild kid of terror. Razor sharp, I sever the head from the shoulders. I'm better than my competitor. You mean competitor, whatever. Let's get together. Shame on the nigga who tried to run game on the nigga who buck wild with the strip blah. He act so thick, I'm fat. And yo, Ray came blowing and blew off your headphones. Black rap from yo Cali to Texas, smoother than a Lexus. Now it's my turn to wreck this. Brothers approaching half step, but ain't heard half of it yet. And I bet you're not a fucking vet. So when you see me on the reel, forming like Voltron, remember I got deep like a Navy SEAL. Same on the nigga who tried to run game on the nigga who fuck wild with the trigger. Same on the nigga who tried to run game on the nigga. I'll fuck your ass up. My vocal couldn't keep it with a pair of bifocals. I'm no joker, play me as a joker. Be on it like a house on fire, smoke ya. Dudes be acting like the gangs anyway. Be like, warriors, come out and play, yeah. Me, I get into shit, I let it like diarrhea. Got burnt once, but that was only gonorrhea. Dirty, I keep shit stained in my drawer so I can get fist and funk it for ya. Murder, takes the flame of the Wu-Tang, rah. Here comes the tiger brush grain, ow. Be like, wow, with my style, punk. You play me jump, you get dumb. Woo, it's coming through at a theater near you. And get funk like true. But et oui, c'est ça, un radio pirate à Mélomane, mesdames et messieurs. Et ce, toujours sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ. Donc, une émission un petit peu dans la marge, on pourrait dire peut-être certainement plus qu'à l'habitude. Mais quand on est mélomane, on fait pas la différence. Même quand c'est un classique du rap, comme on vient d'entendre avec Shame on a Nigga. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le mythique Wu-Tang Clan. Il y a déjà 23 ans de ça, en 1993, une pièce qui nous vient d'un album légendaire bourré d'extraits de vieux films de Kung Fu du nom de Enter the Wu-Tang 36 Chambers. Un titre qui fait fait d'ailleurs référence à un excellent film avec Gordon Liu. Bref, 1993, même année que le single qu'on a entendu juste avant, avant du groupe Megadeth, soit Sweating Bullets, une chanson qu'on pouvait déjà retrouver sur Countdown to Extinction, l'album depuis 92. Par contre, Megadeth, qui, si vous le savez pas déjà, est une des figures de proue du sous-genre du métal qu'on appelle le trash et qui vont d'ailleurs faire partie de ce qu'on va appeler le Big Four avec Metallica, Anthrax et Slayer. Mais juste avant tout ça, complètement autre chose, c'est ça la beauté d'un radio pirate. Un groupe pas mal moins connu que vous avez peut-être découvert ce soir, du moins je l'espère, et qui nous vient de Belgique, soit Balthazar avec l'excellente The Man Who Owns the Place, chanson de 2012 avec des inflexions de voix qui sont pas sans rappeler celles d'un jeune Leonard Cohen. Peut-être que les fans auront remarqué une petite influence. Et c'était précédé d'un autre extrait, on en avait déjà passé un autre, du magnifique dernier album Ultramar de Fred Fortin, qui est toujours merveilleux, mais qui là s'est vraiment surpassé. Et à preuve, la chanson 10 piastres qu'on a entendue ici, donc toute récente de 2016 et qui était à son tour précédée d'un classique du trip-hop, un sous-genre électro très typique des années 90 et qui avait encore une fois pour figure de proue Portishead qu'on a entendu avec Strangers en 94. Le tout amorcé de main de maître par la basse vertigineuse de M. Claypool au sein de son groupe Primus des Inclassables, c'est comme ça qu'on aime ça, avec Kalamazoo de 1997. Mais nous, on remonte dans le temps avec une autre bande d'Inclassables, les B-52s, 99.1 CFNJ. psychopathe rade et d'adolescent irrécupérable. Et à 17 ans, t'étais alcoolique, encore en redressement et les coups de flic. Et à 18 ans, tu as fait l'armée chez des délinquants, tu as déserté. À l'âge de 20 ans, t'es devenu violent, t'as pris les devants, il y a eu du sang. Ils t'ont envoyé au pénitencier, au lieu d'écouter, au lieu de t'aider. Quand tu sortiras, y'aura rien pour toi, tu recommenceras, car t'es la loi. Pour les enrager, et quelle société pour les calcasser, et quelle société pour les têtes coulées, pour les agiter, pour les pénicler, et quelle société pour les verrouiller, pour les défoncer, pour les détraquer. Entre quatre murs, et quelle société pour les enrager, et quelle société pour les têtes cassées, et quelle société pour les têtes brûlées, pour les agiter, pour les pénicler, et quelle société pour les verrouiller, pour les défoncer, pour les détracher. At your front door, and until there's no more fingers. Ringing Pavlov's bell till the dog dehydrates. Just one screw. Leave me, I know what to do, but something won't leave. let me make love to you. Why can't I get just one fuck? Why can't I get just one fuck? I guess it's got something to do with luck. But I waited my whole life for just one day. Mama, mama, mom, my mom, have you kept your eye on your son? I know you've had problems, you're not the only one. When your sugar left you on the run. So mom, my mama, mama, mom, my mom, take a look now, look what your boy has done. He's walking around like he's number one. So he went downtown and he got all my guns. Don't shoot, shoot, shoot that thing at me. Don't shoot, shoot, shoot that thing at me. You know you got my sympathy, but don't shoot, shoot, shoot that thing at me. Don't shoot, shoot, shoot that thing at me. Don't shoot, shoot, shoot that thing at me. You know you got my sympathy, but don't shoot, shoot, shoot that thing at me. Down kitchen at the top of the stairs. Can I mix in with your affairs? Share a smoke, make a joke, grasp and reach for a leg of hope. Words to memorize, words hypnotize, words make my mouth exercise. Words all fail the magic prize. Nothing I can say when I'm in your thighs. Come on, my mother, I would love to love you, lover. City's restless, it's ready to pounce. Go in your bedroom, ounce for ounce. And oh, my mother, I would love to love you, love. City's restless, it's ready to pounce. Go here in your bedroom, ounce for ounce. I'm giving you a decision to make. Things to lose, things to take. Just she's about ready to cut it up. She said, wait a minute, honey, I'm gonna add it up. Add it up. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. CFNJ 99.1 88.9. Et vous êtes toujours en pleine 7e édition du Radio Pirate Mélomane avec Add It Up de Violent Femmes en 83, un groupe phare de l'underground des années 80 qui va avoir à son tour une grosse influence sur l'underground des années 90. Et d'ailleurs, je vous surprendrai pas si je vous dis que c'est justement là qu'on était juste avant avec un gars qui a commencé sa carrière comme un héros du lo-fi. On en avait déjà parlé à l'émission de ce style-là, soit Beck. Au tout début de sa carrière en 94 avec Asshole, une chanson qui va même être reprise par Tom Petty 2 ans plus tard, comme quoi son talent a été remarqué quand même assez vite. Et sinon, toujours dans l'assez indie, en fait, encore plus, parce que les deux dont on vient de parler, vous les connaissiez peut-être, mais vous connaissiez peut-être pas SJSO avec Frustrating de 2008. Mais on est là pour faire des découvertes. SJSO, qui est un projet musical musicale rattachée à la fameuse étiquette de hip-hop Anti-Con, pour ceux qui connaissent. Et on a aussi été du côté du punk français, en fait, avec le groupe de punk français Berrurier Noir, avec « Vivre libre ou mourir », qui, pour ainsi dire, leur hymne national, et tout ça qui avait commencé avec « 52 Girls », qui nous vient de l'excellent premier album éponyme des B-52s en 1979. Et là, un petit avertissement quand même sérieux, vous pourrez pas dire que je vous l'ai pas dit et redit. Prochain bloc, assez épicé. Donc, on parlait de punk français. Eh bien, on va y aller, on va aller du côté de la progéniture des Bérus. Avec Guérilla Poubelle, 99.1 CFNJ. La cause ça sert, on est tous morts. À quoi tu sers, je t'aime encore. Une bataille déjà perdue, une histoire déjà entendue. C'est pas que je crois en rien, je crois plus tout court, ça me convient. Chez moi, je vote pas, je suis pas chez toi, il fait trop froid. J'ai perdu mon drapeau, je crois plus tout, c'est plus. Je m'emmerde, j'ai mal aux yeux. Et dans ma vie, tous les hommes sont plus vieux. Je m'emmerde, demain il pleut. Et dans ma vie, tous les chiens sont Je m'en vais.

dans ma tête. On est une gang à se partager la fête, on est bas dans ma tête. Tout le monde se parle, personne s'écoute, mais asti qu'on est bas dans ma tête. Y'a juste une chaise, pis y'a pas de musique. Tout le monde se baisse quand j'pogne la statique. Je veux pas finir comme mon vieux père dans un asile à chercher mon âme. Pourtant c'est plus facile, j'serai jamais tout seul sur mon île, entouré par une bande d'avouriens qui aiment sans pleurer pour rien. On a bain dans ma tête. On est une gang à se partager la fête. On a bain dans ma tête. Des fois il peut manquer un boulon, des fois on fait juste ce qui nous tente, des fois on est continuellement con sur le double fait des 40. Dingo. On rappelle que ce n'est pas une carte pleine, on joue seulement dans les quatre coins. Seulement les coins, on reste un coin. Coin, coin, coin, coin. J'avoue, c'est difficile. J'suis pris dans le piège du vieux Céline. Encerclé par une bande d'historiens qui aiment ça me rappeler pour rien. Ayez pas peur, je suis joyeux comme une fleur de tournesol. Ben quoi si rare que j'encule mon avou, que je parle le nom de ma boussole. Non, non, non, non, non, dis-tu pas, hein, hein? On a-tu du fun en gang? Ne mettez-moi pas en tabarnak, j'pourrais retomber sa mauvaise traque. Glad to know ya. Only poor boys take a chance on the

Black Sabbath, qu'on entend en ce moment, cette septième édition du Radio Pirate Mélomane, déjà toujours sur les ondes du CFNJ 99.1 et 88.9 FM, ou encore évidemment en direct sur la plateforme CFNJ.net. Et donc Black Sabbath avec Planet Caravan de 1970, qu'on pouvait retrouver sur l'album Paranoid. Tout simplement une chanson qui va être reprise plus tard par nul autre que Pantera, d'ailleurs. Et donc, Ozzy, qui était précédé d'un autre mauvais garçon en la personne d'Alice Cooper, qui était invité ici, en plus, au sein d'un autre groupe de mauvais garçons, soit Guns N' Roses. Imaginez-vous, c'est du mauvais garçon au pied carré avec une magnifique chanson de 1991 qui s'appelle The Garden, avec Slash, qui nous fait toujours une job extraordinaire. Et sinon, toujours sous le thème de la folie à peine voilée, Philippe Braque, juste avant, avec Dans ma tête, une de ses premières chansons sorties en 2012. Et une première partie du bloc assez éclatée aussi, avec comme sortie d'une boîte de Cracker Jack, Marshall Mathers alias Eminem en 2000 avec le méga hit The Real Slim Shady, qui avait cet effet-là parce qu'il suivait nul autre qu'André Guitare avec une des chansons les plus vulgaires de l'histoire du Québec, soit La Grenouille de 1977, qu'on appelle souvent erronément La Petite Grenouille. Et tout ça pour nous rappeler, dans le cadre d'un Radio Pirate, que la vulgarité et l'irrévérence, c'est pas quelque chose de nouveau, même qu'on aurait pu remonter beaucoup, beaucoup plus loin que ça. Mais il y avait un petit lien quand même avec la chanson d'avant, parce que 1977, c'est bien connu, c'est l'année du punk, du moins en Angleterre, l'origine. Et plus tard va naître le punk français, avec ses Bérus, qu'on a entendu tantôt. Ludwig von 88, aussi un peu plus jovial, qui, des années plus tard, vont donner naissance à des groupes comme les Betteraves, qu'on a aussi déjà entendu à l'émission, et qui vont se séparer pour devenir Guérilla Poubelle, un peu plus musclé, qu'on a entendu ici avec Demain il pleut de 2005, qui, j'espère, vous a pas trop rebuté par sa vélocité, disons. Tout comme j'espère que vous serez pas trop rebuté par la prochaine. On était dans l'univers du shock rock qui débloque avec Ozzy, Alice, donc suite logique. On écoute Merlin, 99.1, CFNJ. respecte la rime, man. 100% hip-hop, pur, comme à l'ancienne, bombe attaque. Respecte la rime, ouais. Respecte la rime. On fait du rap ferme, et tu me dis ferme ta gueule, casse la tienne. Il les casse, casse la tienne. Y'a un mic et les passes raviennent. Niaque ses chiennes, y'a ses chaînes. Vas-y, nac enchaîne. C'est la bombe à nac, trou du cul, tu sais. Bombe à ta crew du cou. Uh-huh. On trouve trop cuit chez ceux qui veulent trop des culs. On abat nos cartes, on se bat, aucun knockout. Nos cartes, saison nous vieillit, en été, aucun knockout. Le rap, ça fait souffrir, ça rassure ou ça en sourd. La bière, ouais, ça en sous, on boit que ça en sous. Devant le banditisme, on bande comme devant des tismes. On vend des disques, mais pas de romantisme à la Walt Disney. On est pas les plus gentils, on est pas échantillon. Bon tant pis, on est dans le tourbillon, torpillonné. Des poèmes, nac, n'en a écrit aucun. J'parle des bandits pro que c'est net pour le recul et les Nike requins. Drogue et fric, c'est ça. C'est le ça. Croquis fils, en fait, c'est tout qu'il faut croquer avant qu'il nous sorte croquis fils. T'imagines me tuer en m'étranglant, la main tremblant comme un ex-tagger face à un métro blanc. Ici j'étouffe, l'oxygène est rare en général et j'en ai ras le cul des bagarres entre Baggy et jeune en râle. On traîne mes dents, peu de temps, on sera plus en train de midor. On fera du bruit comme le voisin quand il entraîne mes dents. Du rap ferme et tu me dis ferme. Ferme ta gueule, casse la tienne. Il les casse, casse la tienne. Y'a un mic et les passes reviennent. Nac enchaîne. On fait du son pour chrono et rap ça tienne. On fait du rap ferme et tu me dis ferme ta gueule, casse la tienne. Il les casse, casse la tienne. Y'a un mic et les passes reviennent. Nac enchaîne. On fait du son pour que Renoir et rap ça tienne. Hey man, c'est un X qui te parle. Je lâche que j'ai dans le cœur. Je crache toute ma rancœur. Celle des frères et des sœurs qui pleurent dans les rangs, qui serrent les dents. Sort gun, écran d'arrêt, quel que soit le temps ou l'heure. Les billets gardent la même couleur, la même odeur sale. On squatte dans les halls, salis mec, je lâche un salut à tous mes frères d'in. Dans ce milieu, mais dans ce lit, mais mon esprit slalom. Je marie à des putes et des traites, mec, mais c'est ça comme. Et si ça colle, t'inquiète, j'ai les bonhommes qui se la donnent en ce qui concerne les sommes. T'inquiète que nos cerveaux fonctionnent et c'est un ennemi sonne à nos portes. On le fractionne en 5-5, réaction en chaîne, on débarque à 25 à chaque pôle. Tactique de football, pénalité pour les trous de balles. Troule, gueule les objectifs, casse l'esprit instinctif. On fait du rap ferme et tu me dis ferme ta gueule, casse la tienne. Il les casse, casse la tienne. Y'a un mic et les passes raviennent, la enchaîne. On fait du son pour que Renoir et rap ça tienne. On fait du rap ferme et tu me dis ferme ta gueule, casse la tienne. Il les casse, casse la tienne. Y'a un mic et les passes raviennent, la enchaîne. On fait du son pour que Renoir et rap. Il est temps de séparer les bons MC des étranges faux frères. Les styles Austin Mini des styles Range Rover. Ok, le jeu est fini alors game over. Un flow fluide transparent vient mettre des bottes au vert. Flow sperme, germe fertile pour plein d'ovaires. Gaz et alcool font le plein de nos verres. Les styles flairent nos merdes, enferment nos frères et sœurs, enterrent nos pères. Après les avoir importés en terre moderne. Putain sa mère, plein nos mères. Même le président, sa mère, le maire veulent faire taire nos verbes. Aux dernières nouvelles, cette guerre serait la vraie terre. Les terres, frère, donc ressemble que truc dehors c'est petit. L'estomac vide, la ville, accepte cestos, mon weed style, vestos, la jean, ok? Trip test, vodka vis pour sexe, vodka fric, donc ma zik reste apocalyptique. Anti-chimie, juge du stylo comme dans Casino, Joe, Pechillo, respecte il, les flots fuseront, précise, qui est sage, m'en lave les mains, les taches partent comme la lessive. Laisse pisser, non, je réfléchis, les yeux plissés, je reste silencieux, comme tous ces fous MC qui espèrent faire mes styles en mieux. Mais j'ai le flow torture, rap morsure, dédicace à trop d'ordures, à l'esprit tendu. Nord, sud, est, ouest, cherche l'or pur. Il Smith, James West, cherche l'or dur. C'est il, pas le temps d'un speech. T'es seul face à King Kong comme Jeff Bridges, je le dis juste. On fait du rap ferme et tu me dis ferme ta gueule, casse la tienne. Il les casse, casse la tienne. Y'a un mic et les passes raviennent, nac enchaîne. On fait du son pour Renoir et rap ça tienne. On fait du rap ferme et tu me dis ferme ta gueule, casse la tienne. Il les casse, casse la tienne. Y'a un mic et les passes raviennent, nac enchaîne. On fait du son pour Renoir et rap ça tienne. On fait du rap ferme et tu me dis ferme ta gueule, casse la tienne. Il les casse, casse la tienne. Y'a un mic et les passes raviennent, y'a ses chiennes, y'a ses chiennes, nac enchaîne. Du rap ferme et on me dit ferme ta gueule, casse la tienne. Il les casse, casse la tienne. Nac enchaîne. Bobosh, maintienne. Bombe attaque, ça urge man. Passe ça à Urban. Hein? Pas chaque phase, bombe attaque. La pluie, 9-9-9-9. Mais, nac. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. Everything I learned, I abruptly drop. Classify my work for the Western world. Boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, Ooh, let's do it! With my new Zep flow, I'm hard to miss. You're going to this, you're going to that. You fucking who said so? I do it a lot. Too hot to handle, too cold to hold. You can't fuck with the chosen one. I want to knock your arm and ninja. I am your butterfly. I need your protection. Be my samurai. I am your butterfly. I need your protection. Ninja is boost, ooh. But don't fuck with my Game Boy or I'll boost you. Life is stuff when I get stuck on my diamonds up, pop boost through, till I break, break, break on through to the other side. Fantastically poor with patience like a stalker. Ninja is hard, core. Being cut so deep, feel no pain, it's not sore. Don't ask for cocko, you get what you ask for. I'm like a wild animal in the corner, waiting for the break of dawn, trying to get through the night. Just a man with the will to survive my blade. Swing free, decapitate a hater with amazing ease. This is not a game, boy, don't play with me. I work my mark, saber like a wild fucking savage from the dark side. Danger, yin through the yang. Totally hot deck ninjas, motherfucking big in Japan. I seen the future, but I've never got nothing in my hand. Except a microphone, big dreams and a plan. Fly talking, skywalking like a ninja. This is Locke, the coolest song I ever heard in my whole life. Fuck all of you who said I wouldn't make it. They said I was a loser. They said I was a no one. They said I was a fucking psycho. But look at me now, all up in the interweb. Worldwide, 2009. Futurista. Enter the ninja. Yo, Landy Fusser. DJ Hot Deck, you fucking aren't good. It's my name. I'm a ninja. Yo, I'm a ninja. Yo, I'm a ninja. I'm a motherfucking ninja. CFNJ 99.1 et 88.9, avec vous partout dans la Naudière. Mmh.

au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. CFNJ 99.1 Et c'était tout un bloc, ça, mes amis. Notre musique de rebelle, justifiée ce soir par Bob Marley et ses Wailers en 1970 avec Soul Rebel. On aurait aussi pu mettre Rebel Music, tout simplement. Mais quand même un petit faible pour Soul Rebel qui était précédé d'une adaptation de Music for the Funeral of Queen Mary, une composition de 1695 d'Henri Purcell, un compositeur de baroque anglais, mais dans une version électronique de Wendy Carlos en 1972. Il y en a parmi vous qui ont sûrement reconnu le thème de l'Orange Mécanique. Petit rappel avec Berrurier Noir tantôt pour ceux qui sont attentifs. Donc, un film de Stanley Kubrick de 71. Une chanson qui est déjà devenue un classique aussi juste avant avec 2176 de Bernard Adamus. Et juste avant ça, on s'est transporté en Afrique du Sud avec les extraterrestres de The Antwoord et Enter the Ninja de 2010, un titre qui n'est pas sans rappeler le Enter the Wu-Tang de tantôt. Une petite bizarrerie aussi de 1971 avec Biology 2 du groupe Sparks, qui était précédé à son tour d'un petit bijou de Freddy Viola, un artiste à découvrir avec The Turn, A Pagan Lament en 2008, qui suivait la métrique étourdissante de Nac Mendoza avec X-Men sur Ferme ta gueule de 2006 et le classique corsé The Beautiful People de Marilyn Manson 10 ans plus tôt, soit en 1996. Et vous l'avez deviné, c'est là-dessus que se termine cette 7e édition du Radio Pirate Mélomane. J'espère que vous avez apprécié, même si je vous ai brassé la cage un peu. On se dit à la semaine prochaine, mercredi 20h pour un beau Mélomane format classique. Et moi, je vous laisse avec une demande spéciale de mon très bon ami Sylvain Archambault, grand connaisseur et grand mélomane, de qui c'est l'anniversaire aujourd'hui même. Et en plus, on reste dans le reggae, en plus, avec l'allemande Nina Hagen, 99 ans, CFNG. We'll be right back. love.